Diden et Aïcha s'étaient aimés depuis l'enfance. Le temps n'était pas si lointain où ils jouaient ensemble aux sept pierres, le long de la route du marabout. La bédouine s'était toujours émerveillée du petit Sid, de sa figure mâle, de ses cheveux bouclés sous la chéchia de Fès, des beaux costumes brodés et des grands nourras de soie qu'il portait avec l'élégance d'un fils de bey. Il n'avait pas hérité de la fierté hautaine de ses parents. Bien qu'Aïcha fût très pauvre, souvent humiliée par ses compagnes, il n'aimait jouer qu'avec elle, et lorsque les petites moqueuses riaient de sa gandoura en lambeaux, de ses bracelets de bois, il leur cherchait querelle, il les battait pour la défendre. Il aimait le caractère original de l'enfant des gourbis, ses manières libres, la crânerie de ses répliques. Pour le jeune Sidi, accoutumé à tout le cérémonial des harems, elle avait la saveur d'une orange au cœur de l'été. Elle n'imitait jamais personne. Elle était restée comme la plante du désert qui se nourrit du jus de sa propre racine. « Tu seras ma femme », lui répétait-il sans cesse en se frôlant contre elle. Sa femme. Être la femme de ce bey, tendre, beau, riche, instruit, car il allait à la Médersa. Être acheté par cette grande famille. Dieu savait le prix qu'il mettrait pour donner une épouse à leur enfant, les cadeaux qu'il ferait aux pauvres parents d'Aïcha. Vivre dans ces demeures somptueuses, dont elle distinguait quelquefois, par la porte du jardin entrebâillé, les grandes cours de mosaïque, les bosquets rehaussés de jets d'eau, les négresses vêtues de soie qui sommeillaient sous les lentisques. Derrière le gourbi qu'habitaient les parents d'Aïcha, il y avait une sorte d'enclos. Cet enclos était abandonné depuis longtemps, mangé par la vinaigrette. Les voisins jadis venaient y déposer leurs décombres. Quelques jours avant la naissance d'Aïcha, Sid Kadour, son père, s'était mis à le défricher, à enfouir les détritus, à le sarcler avec tant de soin, qu'il en fit un lopin propre et cultivable. Il l'ensemença de ses légumes préférés, l'encadra de basilic et d'églantines mauresques, et comme naissait Aïcha, pour tenter sa chance, il le nomma Jenan Benti, le jardin de ma fille. 11 années passèrent. La terre était bonne, bien exposée au soleil, rendait largement la peine, faisait l'orgueil du bon Sid Kadour. Un soir, il était assis au seuil de son gourbi, occupé à tresser un éventail d'alpha, quand, sur le bord de l'enclos, il vit passer Sid Kasbadji, le père de Diden, le fier Sid Kasbadji. Il était accompagné d'un négociant de la ville, un Marocain connu pour s'être enrichi pendant la guerre. Les deux hommes explorèrent l'endroit, parurent discuter quelque temps, puis s'en allèrent ensemble dans la direction de Tlemcen. Sid Kasbadji venait tout simplement de vendre le terrain au Marocain qui voulait y élever une villa. Et un matin, Sid Kadour trouva le jardin de sa fille encombré de tout un matériel de construction, des bidons de chaux et des sacs de ciment pêle-mêle sur ses pastèques et ses aubergines, les maçons piétinant ses semis, sacrifiant ses églantines à grands coups de cisaille. Dépossédé de façon si brutale, le bédouin vit rouge. Il rentra au gourbi, décrocha un yatagan d'ancêtre, et la bouche crispée, l'œil en feu, il fonça sur les ouvriers. Une rixe terrible s'ensuivit, à laquelle Aïcha et sa mère assistèrent impuissantes, ne sachant que pousser des bouhs lamentables. Du sang coula. Sid Kasbadji, accourut, fut blessé au crâne. Mais l'issue était fatale. Seul contre 10, Sid Kadour finit par être maîtrisé. Sous la menace de matraque à clous, on l'entraîna vers la ville. Peu de temps après, c'était le procès, la condamnation du misérable à des années d'emprisonnement. Aïcha et sa mère demeurèrent sans ressources aucune, entourée du mépris de tous. Chaque jour, Aïcha voyait passer le père de Diden, la tête bandée, et lorsque le regard de l'aristocrate rencontrait le gourbi, toute sa face hautaine s'empourprait de colère. Diden ne reparaissait plus sur la route du marabout. Sans doute, on lui défendait de sortir, d'approcher à nouveau la fille de l'assassin de son père. C'était pire. Tous les membres mâles de la famille de Sid Kasbadji, tous leurs amis qui étaient nombreux, s'étaient réunis sous la coupole de Sidi Boumedine, dans cette galerie rustique qui domine la vallée des sapins, autour du catafalque du marabout, tous jurèrent de vouer une rancune éternelle à la race du maudit qui avait fait couler le sang du notable. Ils la repoussaient de leur cœur, ils n'adresseraient plus la parole à aucun de ses membres, ils ne boiraient plus à leur tasse, ils refuseraient de s'asseoir autour de leur tombe, et si le hasard les faisait rencontrer leurs ennemis sur un chemin quelconque, ils les obligeraient de passer à leur gauche. Un grand imam, maigre, tout habillé de blanc, avait prononcé les formules vengeresses et l'assistance de répéter en chœur « Amen ! Amen !» Dans un coin était déposée une cruche, où, disait-on, venait se désaltérer la nuit l'âme du marabout ensevelie sous la coupole. Chacun y but une gorgée à même l'embouchure. C'était la façon la plus solennelle de sceller un serment de haine, et la réunion se dispersa. Seul le petit Diden avait ajouté au fond de son cœur « Ce serment, je ne l'accepte pas. Ce malheur est au-dessus de ma tête. » Aïcha dut taire son désespoir pour aider sa mère à gagner leur vie. Elles se mirent toutes deux à ces travaux de l'aiguille, seul refuge de ces mauresques dans le besoin, à ce labeur de la pioche mince, comme on l'appelle, qui, entrepris de l'aube au soir sans repos ni trêve, acheva d'épuiser la pauvre mère, déjà brûlée par la maladie et le chagrin. Quand Sid Kadour sortit de prison, sa femme était déjà vieille. Sa fille, qui avait laissé une enfant, avait l'âge des épouses, avec son âpre visage façonné par le malheur. Le gourbi était dépouillé des beaux objets de cuivre, des haïcs de laine qui avaient servi à acheter du pain. Comme il descendait faire un tour sur le souk, Sid Kadour vit que ses amis de la veille se détournaient de lui. On se murmurait à l'oreille « Voici le condamné !» On passait à sa gauche. Le malheureux rentra au gourbi et ne voulut plus en sortir. Malade, miné par le remords, par la douleur de voir ses chéris courbés tout le jour sur un ouvrage, il ne tarda pas à sentir sa fin prochaine. Il fit appeler ses ennemis à son chevet pour leur demander pardon. Il voulait essuyer avant de mourir la honte au front des siens. L'orgueilleuse famille de Sid Kasbadji resta sourde à la prière de l'agonisant, et le pauvre bédouin s'en alla, emportant sa douleur dans la tombe. La nuit était venue. Des lumières pointaient en bas sur la ville au milieu des sapins. Le petit bois de cyprès, les collines des alentours dessinaient à la file des dos de dromadaires, caravanes fantastiques pétrifiées sous les étoiles. Les deux amants s'étaient relâchés de leur étreinte. Aïcha, la première, rompit le silence. « Sur toi le bonheur, mon ami, » dit-elle. « Ma mère est seule au gourbi, et les djinns voient tout. » Diden eut un soupir. « Je le sais. Mais dis-moi, Aïcha, ces mauvais jours, comment ont-ils passé sur ton cœur ?» Elle s'était enveloppée de son voile. Elle avait soulevé sa cruche, et regardant son bien-aimé une dernière fois dans les yeux, « Je t'ai revu, ils ont passé comme un bol de miel. » Elle s'éloigna, transportée, chantant la louange d'Allah, pour avoir vécu jusqu'à ce jour, avoir retrouvé cet amour intact, avoir surpris dans le regard de son fiancé la même flamme, le même désir qu'autrefois. Diden la suivit quelque temps des yeux. Il la retrouvait femme. Il contempla à son aise la svelte silhouette avec sa cruche à l'épaule, qui diminuait sur la route obscure. Plus que jamais, il la voulut pour sienne. À mi-voix, il prononça. « Je le jure dans cette fin du jour. Je vaincrai tout, et Aïcha sera ma femme. »